Vamos lá dançar até o teu pai que vai ser de arromba. Vamos lá dançar ao trilhinho que vai ser de arromba. Musique portugaise. O prazer está aqui. Levanta as mãos para cima, deixa para a barriguinha, mexe essa cinturinha, grita bem alto. Oh, oh, oh. Não fujas do compasso, vê bem como é que eu faço, eu quero ouvir o mais. Same. essa cinturinha, grita bem alto. Oh, oh, oh, oh. Não fujas do compasso, vê bem como é que eu faço. Eu quero ouvir o baila. Neste lindo arraial, rapaziada, vamos lá então dançar, escolhendo o vosso par, que é nova moda em Portugal. Começa a dança apertando devagarinho, mesmo com saia curta, elas não dizem que não. Dança melhor quem estiver encaixadinho, e a temperatura aumenta nesta noite de verão. Rapaziada, dancem bem agarradinho, agora aperta, aperta, agora aperta, aperta. Com brilho, mas sempre com juizinho. Agora aperta, aperta, agora aperta, aperta. Apertem bem porque este dançar é normal. Agora aperta, aperta, agora aperta, aperta. Se for com jeito, elas não levam a mal. Agora aperta, aperta, agora aperta, aperta. Já toca a banda neste lindo arraial. Rapaziada, vamos lá então dançar, escolhendo o vosso par, que é nova moda em Portugal. Começa a dança apertando devagarinho, mesmo com saia curta, elas não dizem que não. Dança melhor quem estiver encaixadinho, e a temperatura aumenta nesta noite de verão. Rapaziada, dancem bem agarradinho, agora aperta, aperta, agora aperta, aperta. Dancem com brilho, mas sempre com juizinho, agora aperta, aperta, agora aperta, aperta. Apertem bem porque este dançar é normal, agora aperta, aperta, agora aperta, aperta. Se for com jeito, elas não levam a mal, agora aperta, aperta, agora aperta. Ai, aperta, aperta. 05 55 56 21 44. Le numéro de téléphone pour vos dédicaces. En direct de 9h à midi sur Radio Open FM. Quero os braços no ar. Eu quero os braços. Portugal foi o primeiro. Chegou a saia comprida com a caixa dela ao meio. A moda que cá chegou aos homens deu alegria. Ver as pernas descobertas, quer de noite, quer de dia. A moda que cá chegou é uma moda engraçada, até importava nada. Open FM, 9h midi, les voix du Portugal. é bonita com vontade de abraçar. Uma palavra bem doce, um sorriso no olhar, pega forte na cintura para ela se apaixonar. Vai cair, hoje o mundo vai mudar. Com tanta mulher bonita, com vontade de abraçar. Uma palavra bem doce, um sorriso no olhar, pega forte na cintura para ela se apaixonar. Coração se alegrar. O que ela tem, o que ela quer, pois eu não. quer estar a meu lado. Ela só quer porque me sente apaixonado. Ela só quer me acarinhar. Ela só quer porque vê que eu estou a amar. Ela só quer estar a meu lado. Ela só quer porque me sente apaixonado. Ela só quer me acarinhar. Ela só quer porque vê que eu estou lá. Querido, cheguei mais cedo a casa. Já vou subir. Deixa quando chegou.

festa que zomba até a noite acabar. Dança comigo que zomba, contigo quero ficar. Dança nossa festa que zomba até a noite acabar. Dança comigo que zomba, contigo quero ficar. Ficou a olhar, teu corpo faz-me perder. Não consigo mais resistir. Em ti quero enlouquecer. Anda aí comigo, bailar. Sente este ritmo em mim. Agarra a minha cintura e roça, roça assim. Vem comigo nesta kizomba. Eu sei que vais adorar. Mexe, mexe esse teu corpo e gosta e faz-me vibrar. Dança, roça nesta kizomba até a noite acabar. Dança comigo kizomba, contigo quero ficar. Dança, roça nesta kizomba até a noite acabar. Dança comigo kizomba, contigo quero ficar. Ficou a olhar, teu corpo faz-me perder. Não consigo mais resistir. Em ti quero enlouquecer. Anda aí comigo, bailar. Sente este ritmo em mim. Agarra a minha cintura e roça, roça assim. Vem comigo nesta kizomba. Eu sei que vais adorar. Mexe, mexe esse teu corpo, encosta e faz-me vibrar. Dança, roça nesta kizomba até a noite acabar. Dança comigo kizomba, contigo quero ficar. Dança, roça nesta kizomba até a noite acabar. Dança comigo kizomba, contigo quero ficar. Não dá pra continuar, desde longe de mim. acaba por me matar. No dança que dança, eu fico sem jeito, teu corpo balança. No mexe que mexe, entra neste ritmo, aqui ninguém adormece. Roça, roça sem medo, vem que eu sou teu brinquedo. Vamos fazer segredo, passar a noite a roçar. Roça, roça sem medo, vem que eu sou teu brinquedo. Vamos fazer segredo, passar a noite a dançar. C'est chaque dimanche sur Radio Open FM avec toute la chaleur, la culture, l'actu et les nouveautés musicales du pays. Rendez-vous pour 3 heures de plaisir. Faire 3 heures de plaisir. En direct de 9h à midi avec vos animateurs. Les voix du Portugal, tous les dimanches, exclusivement sur Radio Open FM. Au plaisir est ici. Por te desejar, meu coração. tu. Conheci uma morena, tão amiga e pequena, nesta noite de verão. Convidei-a para dançar, esta noite vai rolar muito amor e paixão. Vem dançar, morena, o duro e o forró, a música está a tocar. Eu e tu no roça-roça, e todo mundo gosta, o amor está no ar. Roça-roça, amor, e este roça-roça eu estou a gostar. Roça-roça, amor, é neste roça-roça que eu quero ficar. Roça-roça, amor, e este roça-roça eu estou a gostar. Roça-roça, amor, é neste roça-roça que eu quero ficar. Eu estou a gostar. Roça-roça, amor, é neste roça-roça que eu quero ficar. Roça-roça, amor, e este roça-roça eu estou a gostar. Roça-roça, amor, é neste roça-roça que eu quero ficar. Roça-roça, amor, e este roça-roça eu estou a gostar. Roça-roça, amor, é neste roça-roça que eu quero ficar. Radio Open FM. 9h midi. Bem-vindos ao sol e à música. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune. Au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. Au plaisir est aqui. Bonjour à tous, bonjour à toutes. 10h13 sur les ondes d'Open FM. Les voix du Portugal ce matin. J'espère que vous allez passer une agréable matinée en notre compagnie. Alors, le numéro de téléphone, oui, le numéro de téléphone. C'est le 05 55 56 21 44. N'hésitez pas. Vers 11h15, 11h30, on aura un interview. Une. Avec monsieur MC Day. Allez, on repart en musique et on revient dans un petit moment. Hey! Tudo pra tentar mudar. Se deu errado, meu bem, a culpa é Estás comigo, menina. Cátia Aveiro. Vamos nessa, Marcos. Tá bom demais. Chega mais perto, fica comigo. Faz o meu corpo incendiar. Eu faço tudo o que for preciso. É tão gostoso te abraçar. Teu corpo inteiro eu vou te beijar. Te agarrar com muita paixão. Te dá prazer te fazer voar. Te dou a minha vida e meu coração. Ah, é uma delícia. Ah, sua malícia. Ah, é uma delícia. Sua malícia. É uma delícia. É uma delícia. Bem gostoso e me faz enlouquecer. Devagarinho, rebolando, vai roçando o teu corpo no meu corpo e me mata de prazer. É uma delícia essa malícia, eu quero ver. Mexe bem gostoso e me faz enlouquecer. Devagarinho, rebolando, vai roçando o teu corpo no meu corpo e me mata de prazer. Chega mais perto, fica comigo. Faz o meu corpo incendiar. Eu faço tudo o que for preciso. É tão gostoso te abraçar. Teu corpo inteiro eu vou beijar. Te agarrar com muita paixão. Te dar prazer, te fazer voar. Tudo a minha vida e meu coração. Ah, é uma delícia. Ah, sua malícia. Ah, é uma delícia. Sua malícia. É uma delícia. Ah, é uma delícia. Essa malícia eu quero ver. Mexe bem gostoso e me faz enlouquecer. Devagarinho, rebolando, vai roçando o teu corpo no meu corpo e me mata de prazer. É uma delícia essa malícia eu quero ver. Mexe bem gostoso e me faz enlouquecer. Devagarinho, rebolando, vai roçando o teu corpo no meu corpo e me mata de prazer. Sua malícia, ah, é uma delícia. Sua malícia, é uma delícia. Ah, é uma delícia. Ah, sua malícia, ah, é uma delícia. Sua malícia, é uma delícia. Te quero louca só pra mim. Valeu, Kátia. Adorei, Marcos. Open FM, 9h midi, les voix du Portugal. Manuel Campos. Não escondo que do início foi só uma aventura. A meu ego se desfazer. Mas com o tempo meu coração foi cedendo. E agora nem sei o que fazer. E agora que foste embora, tão perdido. sabes bem ou mal. Pois meu ego estava radiante, mas com o tempo meu coração foi cedendo e agora chora todo um instante. E agora que foste embora, não sei o que vai ser de mim, não sei qual vai ser o meu fim. Sinto-me tão perdido agora que foste embora. Meu coração ficou doente. FM 97.9, votre radio. Ah, et voici Christophe Malheiro. Et tu segues a tua estrada. Eu procuro em outras bocas minha fada encantada. E tu serás feliz, não importa com quem for. Outra chance para nós dois de encontrar um verdadeiro amor. Estou vendo a hora em que a gente vai se machucar. Estou vendo a hora em que tudo irá desmoronar. Um ao lado do outro se tornou um sacrifício. Se o amor acabou, é melhor parar com isso. Eu sigo minha vida e tu segues a tua estrada. Eu procuro em outras bocas minha fada encantada. E tu serás feliz, não importa com quem for. Outra chance para nós dois encontrar um verdadeiro amor. Será possível até sermos amigos? E o coração não precisa sair ferido. Somos adultos e a conversa é a solução. Para um novo recomeço só nos resta a separação. Eu sigo minha vida e tu segues a tua estrada. Eu procuro em outras bocas minha fada encantada. E tu serás feliz, não importa com quem for. Outra chance para nós dois encontrar um verdadeiro amor. Eu sigo minha vida e tu segues a tua estrada. Eu procuro em outras bocas minha fada encantada. E tu serás feliz, não importa com quem for. Outra chance para nós dois encontrar um verdadeiro amor. Outra chance para nós dois encontrar um verdadeiro amor. Tanto de ti, diz-me só a mim que este não é. o nosso fim. Deixa-me consertar, deixa-me só tentar recomeçar de novo, sentir o teu abraço gostoso, o calor do teu carinho. Não me deixes mais sozinho. Sobre o que aconteceu, não há mais nada que eu possa fazer. Tudo o que eu quero agora é te dizer, oh, o meu amor é teu. E apesar de todo o meu desleixo, guardo o sabor daquele último beijo. Só mais um. Justin Hardison. 05 55 56 21 44. Les voix du Portugal ce matin sur Open FM 97.9. Consegue dar prazer. Paixão alucinada. Je t'aime, mon amour.

Vamos lá dançar. Zezito. Nossas lindas tradições, no mundo não há igual. Nossas lindas tradições, no mundo não há igual. Sou da terra de Camões, sou filho de Portugal. Sou da terra de Camões, sou filho de Portugal. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. No Algarve ao Minho vamos festejar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. Todo mundo dança com as mãos no ar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. No Algarve ao Minho vamos festejar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. Todo mundo dança com as mãos no ar. Festa da boa, na Madeira e Açores, também tem festa da boa. No Porto tem o São João, Santo António em Lisboa. No Porto tem São João, Santo António em Lisboa. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. No Algarve ao Minho vamos festejar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. Todo mundo dança com as mãos no ar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. Vamos festejar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. Todo mundo dança com as mãos no ar. h 57 sur les ondes d'Open FM. Sardinhas e vinho verde, maduro, branco ou tinto. Sardinhas e vinho verde, maduro, branco ou tinto. Do nosso lindo país, que tem tanta saudade sinto. Do nosso lindo país, que tanta saudade sinto. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. No Algarve ao Minho vamos festejar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. Todo mundo dança com as mãos no ar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. No Algarve ao Minho vamos festejar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. Todo mundo dança com as mãos no ar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. No Algarve ao Minho vamos festejar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. Todo mundo dança com as mãos no ar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. No Algarve ao Minho vamos festejar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. Todo mundo dança com as mãos no ar. Voici donc la jeune artiste Rouvia. N'hésitez pas à nous appeler, même sur Facebook, laissez des petits commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Écoutez cette mélodie. Je voudrais partir très loin, si loin de toute cette confusion. Loin du vice et du besoin. Cette pollution. Je voudrais trouver un coin, loin des réseaux, des illusions. Un coin paisible, un coin où la vie n'est pas une fiction. Alors pour vous qui êtes la musicienne, bien que l'être humain aime les conflits, les divisions. On remet toujours à demain les importantes décisions. On prend de drôles de chemins marqués par tant de distractions. Mais j'espère qu'un jour ce train prendra une autre direction. C'était Rouvia. Allez, petite dédicace pour tous les auditeurs ce matin. Nuno Albatros. Sangria. Notamment pour, du côté de Nice. Et de Maria. Du côté de Verneuil. Oh garçon. A desfrutar. Aqui nós somos todos iguais. E se a vida te fez algum mal, a sangria cura. Vai, vem mesmo assim como és. Vem um, vem cinco, vem dez. São todos bem-vindos. Aqui andamos nesta loucura, perdidos nesta mistura. Fruta, sumo e vinho. Ei, garçom, dá cá sangria, bem doce e fria. Dá cá sangria, oh garçom. Ei, garçom, traz mais sangria. Vamos ficar até o bar fechar. Ei, garçom, dá cá sangria, bem doce e fria. Dá cá sangria, oh garçom. Ei garçom, traz mais sangria. Vamos ficar até o bar fechar. Nuno Albatros. Sangria. Meu bem, como o tempo voa. Mas todo mundo está a gostar.

põe a mão lá na perninha, vai assim meu bem abaixo, vai assim meu bem abaixo. Cantar, quero ouvir toda a gente dançar, quero ouvir agora bem alto este grito que eu vou dar. Heo, heo, heo, heo, põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha, põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo, põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha, vai acima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo. MC Day, bientôt en direct. Voici Dinheiro. Ela não dança nem viu dançar, trouxe-se a rabo só para abanar. Avisa os teus niggas que ela está na lista das miúdas que vieram para faturar. O rabo não cabe na calça, a mama quando anda a balança. Se tiras o viso ela dança, se não tens dinheiro ela balança. Alô, ela atende e faz clima, diz amor. Ela dá logo em cima, pensou que conosco era o Ina, mas é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. Larjão, dinero. Cacau, dinero. Massa, dinero. Dinero, dinero, dinero. Larjão, dinero. Cacau, dinero. Massa, dinero. Dinero, dinero, dinero. Ela é estudante de economia, quer o diploma mas está na via. Loja de top ela faz razia, e se o bolso está cheio, ela esvazia. Fagia, fagia, o assunto é dinheiro, não tem mania. Fagia, fagia, se o assunto é dinheiro, não tem mania. Alô, ela atende e faz clima, diz amor. Ela dá logo em cima, pensou que conosco era o Ina, mas é só dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. L'argent, dinero. Cacao, dinero. Massa, dinero. Dinero, dinero, dinero. L'argent, dinero. Cacao, dinero. Massa, dinero. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, dinero. Todo mundo comigo. É assim. Dinero, dinero, dinero. Radio Open FM. 9h midi. Bem-vindos ao sol e à música. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune. Au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. O prazer está aqui. Bonjour, bonjour, on est en direct. Je crois qu'on a un invité ce matin. Bonjour. Ah, bonjour, bonjour. Alors, je sais que hier, j'ai regardé un petit peu la radio, hein, et Donc, ce qui s'est passé, c'est que dis donc, ton nom est un peu difficile. Alors, moi, je dirais MC Day. Alors, c'est MC DY. Ah, tu vois, je me suis trompé. Mais je le savais que j'allais pas retenir. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Comme j'ai dit hier, je suis habitué, entre guillemets, à ce qu'on se trompe après, voilà. C'est de ma faute, hein. J'ai choisi un nom compliqué. Ah non, mais c'est ça, ouais. Bon, dis donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton petit parcours, comment ça se passe? Depuis quand tu débutes, enfin, depuis quand tu as commencé, quoi? Alors moi, à la base, en fait, j'ai commencé, je suis ambianceur, je suis speaker, MC et performer, en fait. J'ai commencé à travailler en tant que MC dans les boîtes de nuit il y a déjà 4-5 ans. Et en fait, j'ai commencé petit à petit à faire la première partie de plein d'artistes. D'accord. Et j'ai fait plus, à l'heure actuelle, j'ai plus de 70 premières parties d'artistes, ce qui est énorme quand même pour une personne qui a que 23 ans. Et c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, moi, de mon côté, j'ai commencé à travailler pour essayer de chanter, quoi, parce que c'est ce que je fais depuis tout petit. D'accord. Et ça a commencé en fait vraiment il y a 2-3 ans de cela, où j'ai commencé entre guillemets à monter ma propre équipe pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de concret, quoi. Et donc ça c'est entre guillemets affirmé l'année dernière quand j'ai sorti donc mes deux premiers singles, en fait, qui sont sortis en mars et juin de l'année dernière, si je ne me trompe plus. Et après, il y a Boom Down qui est sorti donc cette année, qui est la continuité, en fait. Il y a eu un an de battement entre les deux parce que voilà, je voulais pas sortir n'importe quoi. Je voulais vraiment être sûr de sortir quelque chose que moi j'aimais, que moi je voulais chanter. Et c'est en fait comme ça que Boom Down est né et que Boom Down s'est fait, quoi. D'accord. Et c'est très bien. Et moi, j'ai rigolé un petit peu hier parce que tes parents l'ont bien pris, hein, par la maison. Ouais, mais vraiment, on a bien pris pour Dinero. Ouais. Bah après, voilà, c'est vrai que c'est une petite anecdote que je peux raconter, si vous voulez. Ah, mais en fait, Dinero, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à la base, ça devait se passer dans une maison avec une piscine et tout. On devait faire une garden party et il s'est trouvé que la personne qui devait me prêter sa maison et sa piscine pendant, enfin, 2 jours avant le tournage ne m'a plus donné de nouvelles. Donc je me retrouve en fait sans lieu pour le tournage alors que les personnes qui venaient pour filmer venaient du Portugal. Donc déjà, c'est un peu compliqué entre les choses. Mmh. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc moi j'ai dit bon bah voilà, on va se débrouiller. Hein, on va se débrouiller. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans la voiture, je venais d'aller récupérer le matériel donc pour faire le tournage. Et mon ami me dit bon, j'ai une solution pour faire le tournage du clip. Je lui dis ah bon, mais quelle est ta solution? Et puis il me dit on va faire ça chez toi. Je lui dis mais attends, parce que c'est pas chez moi, c'est chez mes parents. Donc je peux pas entre guillemets m'enflammer et dire qu'on va le faire, quoi. Donc j'arrive à la maison. Et j'ai mes parents, je fais bon, asseyez-vous, faut que je vous demande un truc, etc. Donc là, mes parents un peu paniqués quand même parce que ils savent pas trop ce que j'allais leur demander. Et donc là, je leur dis bon, voilà, j'ai plus de lieu pour faire le clip. Est-ce qu'il y a possibilité de le faire à la maison? Et là, ils me disent oula, il y a combien de personnes qui viennent? Et puis là, je leur annonce qu'il y avait une cinquantaine de personnes, quoi, parce qu'il faut compter les figurants, l'équipe de tournage, tout, quoi, tout compter. Et on s'est retrouvé à 50 chez moi, les pop-corns qui ont volé, l'alcool qui est tombé. On a vu ça. Bon, le sol était collant. Moi, je marchais par terre, j'entendais des clac-clac à chaque fois parce que ça collait, quoi. Mais en tout cas, voilà, ils ont été super cool sur ça. On a fait des scènes dans le jardin. Mon père était fou parce qu'il venait de planter la pelouse genre une semaine avant. Il venait de dérouler les rouleaux une semaine avant et je me retrouve à écraser sa pelouse. Il était en train de me dire à chaque fois ma pauvre pelouse, la pelouse est en très bon état, elle est intacte. Hein, donc elle a survécu. C'est bien. Non mais ouais, c'est super. Bon après voilà, c'est vrai que ça pour le coup je peux les remercier parce que c'est pas tous les parents qui acceptent ce genre de choses. Et qui soutiennent, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont pas forcément soutenues, mais moi j'ai de la chance d'avoir les parents que j'ai et du fait qu'ils me soutiennent et qu'ils puissent m'aider dans ce genre de problème, quoi, parce que c'était entre guillemets un problème. Ouais, parce que dis donc, il faut quand même, parce que je rappelle que bon, tu débutes dans la chanson, mais je pense que bah, ça coûte cher en fait, faire réaliser les clips et tout, c'est pas rien quoi. Oui, bah c'est un coup pour la, bah, pour moi c'est un coup parce que je sais que par exemple il y a beaucoup de chanteurs, les chanteurs qu'on écoute, la plupart sont labellisés, ils ont leur propre label, ou déjà une grosse somme, donc eux peuvent, ils ont quelqu'un pour financer leur clip, quoi. D'accord. Alors que ouais. Ça m'intéresse pas forcément le label parce que j'ai envie d'être libre de créativité, de faire ce que je veux, et moi je suis bien avec les personnes avec qui je travaille. D'accord. Et je les salue tous parce que c'est une équipe que j'ai montée, depuis un certain temps. Et qui font en sorte qu'on travaille et qu'on puisse avancer. Et moi, en fait, tout l'argent qui est déboursé, c'est l'argent de ma poche, en fait. Il y a personne qui met au niveau des financements, quoi. C'est moi, je gagne mon petit salaire et l'argent que j'ai de côté, j'essaie toujours de mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir financer les clips. Et c'est toujours compliqué, quoi. C'est pas simple. Les gens, ils pensent que quand ils regardent un clip, ils disent, ah, c'est bon, on lui a donné de l'argent. Non, il y a personne qui me donne de l'argent, quoi. C'est moi et moi seul qui finance. Donc c'est vrai que ça, c'est plus compliqué quoi. C'est toujours plus compliqué parce que bon bah malheureusement les gens ils sont pas dans l'envers du décor, et l'envers du décor il est assez compliqué quoi. Et c'est pour ça justement que bah, il faut se faire diffuser au maximum pour te connaître et que les gens achètent ta musique quoi. Bah, c'est ça, c'est là que je vous remercie vous de me prendre en interview aujourd'hui, que je remercie les radios que j'ai fait hier et les autres radios que j'ai pu faire. Je remercie aussi les télés qui diffusent ma musique, parce qu'il y a quand même Afro Music Channel au Portugal, qui est la chaîne de musique numéro 1 au Portugal et dans les pays PALOP, qui diffuse la musique. Donc déjà ça pour moi c'est quelque chose d'énorme, parce que c'est tout un travail, comme je vous ai dit, c'est avec mon équipe, ça a été tout un travail, et mon directeur de communication qui a été le dernier à s'y ajouter. Qui travaille d'arrache-pied pour me trouver des interviews et que je salue, qui doit être en train de m'écouter. Je pense aussi. Et c'est un travail énorme, c'est un travail énorme qu'il fournit. C'est un travail énorme qu'il fournit parce que il contacte les radios, il se bat entre guillemets corps et âme pour que tout fonctionne, et je le remercie, je lui fais un gros bisou, et à tous mes collaborateurs, avec tous ceux avec qui je travaille, qui sont pour la plupart au Portugal, parce que j'ai décidé entre guillemets de monter ma petite équipe, mais qu'avec des personnes que je connais, et comme la plupart des gens que je connais dans la musique, ce sont des Portugais. Donc voilà quoi. Mais c'est un travail. Il faut s'en rendre compte. Les gens s'en rendent pas forcément compte. De toute façon, moi ce que je veux, c'est que les gens s'épanouissent en écoutant ma musique, qu'ils nous aiment au maximum. Mais c'est vrai que c'est un travail énorme, quoi. C'est un travail énormissime. Et dis donc, est-ce que tu as prévu une autre sortie de single, un nouveau single, ou pour quand, ou... Ouais, alors j'ai mon prochain single sort le 4 juillet. Ah, ben c'est bientôt, dis donc. Ouais, exactement, c'est la date butoir arrive. Donc ouais, sortira le 4 juillet sur YouTube, Facebook, sur toutes les plateformes digitales. Le son sera diffusé partout, et on va essayer qu'il soit diffusé en radio. Alors j'ai dévoilé le nom hier du son, donc bon, je vais devoir le dévoiler aujourd'hui aussi. Mais mon prochain son, donc, qui sort le 4 juillet, va s'appeler Mon Signe. Ça va être un peu différent de ce qu'on a pu écouter avec Bundão et Dinero. J'ai voulu, comme je suis en vue de préparer mon EP pour, malheureusement je pense que ça sera pas pour la fin de l'année, ça va être compliqué, mais pour au moins l'année prochaine, on a décidé de mettre une musique un peu plus... On a gardé le mélange afro-funk que j'utilise sur Bundão ou Itinero, parce que c'est vraiment mes inspirations, l'afro et le funk, l'afro de Cap-Vert, Angola et tous les pays lusophones et palop, quoi, les pays d'Afrique portugais, et la funk brésilienne. Et en fait, on a utilisé ça, on a réduit un peu le rythme, quoi. Ça fait un peu moins boum-boum, mais... pour une musique un peu plus romantique, pour que les gens puissent découvrir une autre facette de moi, quoi. D'accord, c'est très bien. Et par contre, moi je serais heureux que tu nous rappelles en fait oui. Mois de juillet, tout comme ça, quand ça sort, faut pas hésiter, hein. Nous on est là pour ça, pour diffuser de la musique, faut pas hésiter à nous rappeler, voilà. Bah, y a pas de souci, bah, je vous rappellerai, on va voir ça avec mon directeur de com, il va gérer et marquer une date, parce qu'il le fait très très bien. J'en ai plein, donc il le fait à merveille. Donc on va voir avec lui, et puis dès que la musique sera sortie, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, je vous rappelle, et puis même s'il faut un jour, je me déplacerai. Et on, ah ben avec plaisir, se... avec plaisir. On sera en direct, ouais. Voilà, je me déplacerai, je ferai quelques kilomètres, mais c'est pas grave, ça sera toujours un plaisir de pouvoir faire une radio et de connaître les animateurs et d'aller voir les personnes qui font en sorte que ma musique puisse être diffusée et qu'elle puisse tourner autant qu'elle tourne, parce que j'en ai pas trop parlé, mais à l'heure actuelle j'ai déjà atteint les 100 000 vues sur Facebook, parce que Facebook, au niveau de la communauté angolaise, Mozambique, Cap Vert, c'est quelque chose qui prime énormément. D'accord. Donc j'ai déjà plus de 100 000 vues, parce que là-bas, en fait, comme les réseaux internet ne sont pas autant sophistiqués que le nôtre, ils préfèrent regarder sur Facebook que de regarder sur YouTube. Donc on a déjà atteint, j'ai déjà atteint les... Je dis on parce que c'est un travail de groupe. On a ouais, déjà c'est ton équipe, les... ouais. C'est ça, c'est ça. Mm-hmm. On a déjà atteint les 100 000 vues sur Facebook. On est presque à 9 000 sur YouTube. On a déjà explosé les 20 000 streams sur toutes les plateformes digitales. Juste avec Spotify, je suis déjà à 19 600 et quelques streams. Ce qui est énorme pour quelqu'un qui, entre guillemets, n'est pas connu, parce que je suis en train de débuter. Donc ça veut dire que le son prend bien et voilà. Mais ça serait avec grand plaisir que je me déplacerai pour vous voir et vous remercier de tout ce que vous faites pour moi. Ah, mais je pense que ça devrait bien se passer pour toi, hein, je pense. Parce que dis donc, c'est quand même de la bonne musique et tout. Non, ça devrait plutôt bien se passer, hein, je pense. Les gens, ils aiment, en tout cas. Oui, bah, les gens, voilà, c'est de la nouveauté, entre guillemets, parce que je sais que les gens sont encore réticents beaucoup à écouter de l'afro, parce que ils considèrent ça un peu comme la musique underground. Donc, moi, personnellement, voilà, je vais faire en sorte que ça explose un peu, ce style de musique, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai été bercé dans ça depuis ma tendre enfance, quoi. Depuis tout petit, j'écoute une variété de musique énorme, en fait. Donc voilà, moi j'ai pris ce que j'aime et j'essaie de faire aimer aux gens ce que moi j'aime. Et puis bon, pour l'instant ça fonctionne pas mal. Et avec Dinero et surtout avec Bondin, là, en dernier, qui a explosé Dinero de loin, en seulement 2 mois, alors que Dinero a mis un an quand même à s'imposer. Mais Bondin, ouais, là c'est magique. Moi personnellement, je vis un rêve éveillé, quoi. Bah écoute, je te propose de l'écouter. Bah avec plaisir, ouais. Avec plaisir. On se retrouve après. Il n'y a pas de souci. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Viva a vida pra sexta-feira. Nasceu pra farra, não pra ser freira. A noite tá quente, tem já me cheira. Que ela na pista não tem maneira. Anda com padrão que é fina. Malinha da lua e da China. Decota com saia bem fina. Mas ela não encosta, só empina. Eu não sei o que é que ela veio fazer. O DJ tá a tocar um som pra mexer. Tá de estátua na pista e não quer saber. E eu só quero ver o bundão fazer. Toda top na balada, mas ela passa todo o som, cara trancada. Tiveste a barrar toda a noite, agora já queres que eu encoste. Mas baby, não queres que eu mostre que eu não passo visa. Eu não sei o que é que ela veio fazer. O DJ tá a tocar um som pra mexer. Tá de estátua na pista e não quer saber. Eu só quero ver o bundão fazer. Chão, 9h midi. Bem-vindos ao sol e à música. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. O prazer está aqui. Alors nous voici de retour. Le grand retour. Eh oui, eh oui. Moi j'aime bien ce que tu fais. Non mais sincèrement. Merci beaucoup, merci pour l'éloge. Merci beaucoup. J'aime bien et par contre les clips j'adore. Oui, ça habituellement quand tous les hommes adorent. Hein, quand il y a des filles qui dansent et tout, etc. Tout le monde adore. Ah, non, bah, après les clips, ouais, on fait en sorte en fait de. Il n'y a que pour dinero entre guillemets, ou voilà, comme j'ai pu expliquer, ça avec le souci de lieu de clip où ça a fait basculer, parce qu'à la base le clip devait pas être du tout celui qui a été fait, mais. On s'arrange toujours, on trouve toujours des solutions. Il n'y a jamais de problème dans la vie, il n'y a que des solutions. Donc les solutions, on les a trouvées. Et Bunda, on a voulu faire un truc, entre guillemets, comme si c'était, comme on dit au Portugal, festa no bairro, comme si on était tous réunis avec les voitures, le DJ tac, et on fait une fête avec des danseuses et tout. C'est pour ça que ça a été pas plus élaboré, mais en tout cas, c'est une autre vision qu'on a voulu mettre. Et en fait, à chaque fois, pour les clips, c'est moi qui gère toute l'histoire des clips. C'est moi qui mets en... Presque toutes les mises en scène des clips sont faites par moi et par l'équipe avec laquelle je travaille. Mais en tout cas, c'est moi qui gère toute la production de mes clips, quoi. Qui trouve les lieux, les voitures, les figurants, les danseuses, tout. Tout passe par moi, en fait. Et c'est pour ça que c'est encore plus un travail que... Ah, c'est du boulot, dis donc. Ouais. Parce qu'en fait, j'essaie... Comme je travaille uniquement avec des vidéastes portugais... moi je veux que les vidéastes, quand ils arrivent du Portugal, ils puissent entre guillemets mettre les pieds sous la table, que tout soit prêt en fait, qu'ils n'aient plus qu'à prendre leur caméra et filmer. D'accord. Bien sûr on parle, moi je leur montre les lieux, je leur dis le nombre de personnes que j'ai, je leur dis ce que je peux avoir comme voiture, figurant, etc. Et eux, à partir de là, ils s'adaptent en fait, et c'est là qu'on commence conjointement à écrire toute l'histoire du clip. Et c'est là que ça ressort, en fait. C'est là que l'équipe ressort, quoi. D'accord. Bah, écoute, on va te laisser. Et en tout cas, moi... Je vais repasser ta chanson, là, juste après, là, d'Inaïlo. OK. Et au plaisir, franchement, de te voir carrément, ou que tu me rappelles, voilà, il n'y a aucun souci, quoi. Avec grand plaisir, on va faire ça, on va essayer de se caler ça, comme je dis. On va essayer de se caler ça au plus vite. En tout cas, moi, je voulais remercier tout le monde, toutes les personnes qui m'ont écouté, toute la communauté portugaise de France, du Portugal, les Angolais, les personnes du Mozambique, le Cap-Vert, toutes les personnes qui me soutiennent, parce que c'est hyper important. Je le redis et je le redirai peut-être à chaque interview, et peut-être on va me dire que je me répète, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, les artistes, sans les radios, sans les télés, sans le public, nous sommes personne. Parce que ce sont eux qui font en sorte que nous puissions apparaître au grand jour et que nos musiques puissent être écoutées. Parce que sans vous tous, nous ne sommes personne. Donc je tiens à envoyer un grand abraço à toute la communauté qui me soutient, à toutes les personnes qui me soutiennent, à vous, les radios, à vous qui me prenez aujourd'hui en interview. Et pour moi, c'est hyper important. Donc voilà, un gros big up à tout le monde. Un gros big up à tout le monde. Merci, c'est très gentil. Et je tenais quand même à te féliciter parce que, à ton âge, 23 ans, c'est tout jeune. Et faire ce que tu fais, franchement, bravo. Bravo, bravo. Merci. Si je peux donner un conseil, il faut, quand on a des rêves dans la vie, il faut tout faire pour essayer de les atteindre. Et c'est ce que je fais quotidiennement, en essayant de les atteindre. Et petit à petit, ne pas se réfléchir, bien sûr, ne pas se jeter à corps perdu dans un truc, mais réfléchir, essayer d'avoir la bonne chose et voilà, essayer d'atteindre ses rêves. Et c'est ce que j'essaye de faire, et pour l'instant, on va dire que ça se passe plutôt bien. Donc voilà. Mais merci en tout cas pour tous ces éloges, et encore merci une fois de m'avoir invité dans votre émission. Et comme je vous ai dit, on se verra personnellement, un de ces quatre, en studio. Alors, je vais te dire au revoir. Je vais essayer de ne pas écorcher ton nom. MC DY. Exactement. C'est exactement ça. Merci.

los irmãos. Mariqui, Mariqui, Mariqui, ki, ki, ki, ki, ki, ki. Ai cara bonita morena, que me canta. Eu quero que sejas minha e beijar a tua boca. Cigana morena bonita, por ti eu me apaixonei. Acredita se quiseres, mentir eu juro não sei. Morena cigana linda, de fogo, amor e paixão. Por ti eu me apaixonei e estás em meu coração. Cigana, cigana louca, não sei que fazer de ti. Fiquei doido e apaixonado desde o dia que te vi. Vais ter de casar comigo e eu não te quero perder. E sem ti eu não consigo, já não consigo viver. Morena linda, atrevida, contigo eu quero dançar. Morena cara bonita, só tu vais ser o meu pai. Morena linda, morena, cara de cigana louca. Eu quero que sejas minha e beijar a tua boca. Contigo eu quero dançar. Morena cara bonita, só tu vais ser o meu pai. Morena linda, morena, cara de cigana e louca. Eu quero que sejas minha e beijar a tua boca. Cigana morena bonita, porque eu me apaixonei. Acredita se quiseres, mentir eu juro não sei. Morena cigana linda, de fogo, amor e paixão. Por ti eu me apaixonei e estás em meu coração. Cigana, cigana louca, não sei que fazer de ti. Fiquei doido e apaixonado desde o dia que te vi. Vais ter de casar comigo e eu não te quero perder. E sem ti eu não consigo, já não consigo viver. Morena linda, atrevida, contigo eu quero dançar. Morena cara bonita, só tu vais ser o meu pai. Morena linda, morena, cara de cigana louca. Eu quero que sejas minha e beijar a tua boca. Morena linda, atrevida. Ai, ai, ai, morena. Morena cara bonita. Morena linda, atrevida. Morena cara bonita. Morena linda, atrevida, contigo eu quero dançar. Morena cara bonita, só tu vais ser o meu pai. Morena linda, morena, cara de cigana e louca. Eu quero que sejas minha e beijar a tua boca. Esta mulher faz-me enlouquecer. João Tiago, esta mulher. Sim. Les voix du Portugal sur Radio Open FM 97.9 dans l'après-midi ou dans la soirée. Pour ceux qui ont raté l'émission, retrouvez le podcast. Radio Open FM 9h midi. Bem-vindos ao Sol et à musique. Bienvenue entre soleil et musique avec les voix du Portugal. 3 heures de direct aux couleurs vert, rouge et jaune, au cœur des nouveautés 100% musique portugaise. O prazer está aqui. Bon ben voilà. Bon ben voilà. Voilà, voilà. 11h58. Je crois que c'est la fin de l'émission. On se retrouve dimanche prochain, de 9h à midi. Et en espérant que vous avez passé une agréable matinée en notre compagnie. Et en compagnie aussi de MC D. White, qui était avec nous ce matin en interview. Et j'étais pas seul ce matin, j'étais avec Bastien. Alors Bastien, un petit mot ? Oui, ben, déjà merci de m'avoir invité, Mario. C'est très sympa à voir quand même. Et bonjour à tous et puis bah, bon dimanche à tout le monde alors. Ah bah, du coup on dit au revoir alors, on ne dit pas bonjour. Oui bah oui, mais je dis bonjour parce que personne ne m'avait entendu. Mais... Ok, allez, on vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain et une bonne semaine à vous. Et profitez pas trop du soleil parce que je crois qu'il va pas y en avoir en fait. Non. Allez, excellent dimanche à vous et à dimanche prochain. Allez, ciao, bye bye.